sommet. Elle a la plus belle vue, mais y'a un mais. Elle ne voit pas ce qui se passe en bas. Elle ne sait pas que les patients sont rois. Oui, l'ARS décide de tout, alors qu'ici les patients deviennent fous. Sur leur brancard là-bas, ils ont faim, alors qu'ici les plats bassins sont pleins. Nous on fait le jour, on fait la nuit, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'en être fier pour les traiter de cette manière? On sait que le soin c'est de l'argent, pour nous c'est pas le plus important. Agnès se fout de notre morale, alors ici tout va mal. Les rois du monde, ce ne sont pas eux, c'est tout le personnel qui travaille au mieux. C'est pour cela que pour vous on se battra et qu'on luttera ensemble pas à pas. Nombreux soignants ont perdu espoir, c'est qu'il y a du taf jusqu'au bout du couloir. La dignité, le respect des patients, c'est notre combat et nous on lâchera pas. Nous on fait Christopher d'assurer la technique. Voilà. Après ce tout petit incident technique, on va prendre quand même le début de l'émission. Donc, je souhaite bonsoir, bien sûr, à tous nos auditeurs. Pour l'émission, la parole est à vous. Avec aujourd'hui un magazine santé. Avec, on va les présenter. Jocelyne. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Jocelyne Chamberlain, sophrologue. Voilà. Aurélie. Bonsoir. Donc Aurélie Poulain, responsable départementale pour le groupe associatif Ciel Bleu, qui est une association qui fait de l'activité physique adaptée. Voilà. Puis, bonsoir. Et puis l'habituel. Bonsoir à tous. Jean Tisserand, fidèle. Jean Tisserand, donc docteur Tisserand. Voilà, qui est notre partenaire habituel et qui représente aussi l'association ADEMAT. Voilà, avec qui nous avons... On va conclure une convention pour faire un magazine santé régulier. Voilà, ceci dit, tout le monde est prêt. Alors, on va parler, bien sûr, aujourd'hui de... quel titre qu'on peut donner activité physique adaptée pour... Oui, c'est ça, c'est voilà. Activité physique adaptée, donc adaptée pour des personnes qui sont fragilisées, en situation de handicap, avec maladie chronique, isolées, voilà. Donc effectivement, on parle de adapter. Alors tu as commencé ta mission, ton travail, ouais. En fait, depuis quand exactement? On en avait parlé la dernière fois. Oui, donc en fait, avant du coup, j'ai été diplômée par la faculté de sport qui s'appelle STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Voilà, on fait des licences, une licence qui s'appelle APA pour activité physique adaptée, donc 3 ans, puis ensuite il y a différents masters dans différentes facs de France. Et donc moi je travaille pour cette association depuis 2017, donc ça fait 3 ans à peu près. Tu as déjà acquis une bonne expérience de ton métier. Oui, bien sûr, oui, puis même pendant nos études on a de la pratique aussi. Comment ? Et tu établis énormément de contacts. Oui, oui. On est sans cesse en contact du coup du public que l'on touche, effectivement. Donc, puis des associations locales, je suppose. Associations locales, différents professionnels, parce qu'on essaye vraiment de créer un réseau, de ne pas travailler chacun dans notre coin. Donc effectivement, on essaye de solliciter tous les professionnels qui sont en contact de ce même public, toutes les associations, les structures. Donc effectivement, oui. Et puis tu as fait la connaissance, forcément, à un moment donné, de Jocelyne. Vos destins devaient se rencontrer. Tout à fait. C'est vrai que la sophrologie et l'activité physique adaptée sont très complémentaires, d'où le fait qu'on ait monté notre projet Sophro Ciel, qui, en alternance, une semaine sur deux, permet aux personnes, aux seniors de plus de 60 ans, de bénéficier de séances d'activité physique adaptée et de sophrologie. Voilà, il fallait rappeler quand même un petit peu, on en avait parlé il y a quoi, il y a 2 mois, 3 mois maintenant. Ça, le temps passe tellement vite, mais il fallait quand même rappeler un petit peu le rôle des uns et des autres dans cette mission de travail, d'activité physique adaptée. Alors le public, rappelons un petit peu le public auquel ça s'adresse. Tu parles d'un public fragilisé, ouais. Mais pas seulement, je suppose. Quand même essentiellement fragilisé avec un handicap particulier ou une maladie chronique. En fait, je ne peux pas toucher les personnes qui n'ont, entre guillemets, pas de soucis. Donc, oui. Ce n'est pas de la prévention, c'est uniquement. Alors, si on fait de la prévention, mais dans le public des personnes âgées. Donc, il y a quand même quelques maladies associées, les maladies d'arthrite. Ce n'est pas réservé aux gens qui ont des affections longue durée. Comment ? C'est pas réservé aux gens qui ont des affections longue durée. Ça dépasse ce cadre-là. Ouais, ça dépasse effectivement. Puis dans les Vosges, malgré tout, on est quand même principalement sur une population vieillissante. Donc on touche énormément de seniors, personnes âgées, donc qui n'ont pas encore forcément de pathologies liées au vieillissement. Donc on est effectivement sur de la prévention santé, mais il y a quand même ce côté, c'est des personnes qui sont seniors et personnes âgées, donc ils ont déjà des douleurs associées à cela. Et puis une perte d'autonomie progressive. Exactement, ouais. Sur le plan locomoteur. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est capital de. Je pense qu'on va beaucoup travailler effectivement pour leur permettre de maintenir leur autonomie, leur indépendance. La marche, des choses comme ça. Oui, exactement. Renforcement musculaire, équilibre aussi beaucoup. Équilibre, oui. C'est bien. Et vous adressez à des populations qui ont des pathologies genre diabète, etc. Ouais. On a obésité, diabète. On travaille également avec des personnes atteintes de cancer. Donc on a principalement cancer du sein malgré tout, beaucoup de femmes. C'est partout dans nos groupes, principalement des femmes. Les hommes, ils s'investissent pas trop dans ce genre d'activité. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous me le direz, mais... Je ne sais pas. C'est dommage. Mais ouais, cancer et puis ensuite pas mal de maladies neurodégénératives. D'accord. Donc Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Voilà. Peut-être que les hommes sont plus passifs, sont moins attachés à leur aspect. Les retours que j'ai, c'est que les messieurs pensent toujours qu'ils sont forts, qu'ils sont encore capables de faire énormément de choses et qu'ils n'ont pas besoin, en fait. Ils considèrent « non, j'ai pas besoin ». Par contre, ma femme, oui, elle en aurait besoin. Mais moi, non. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être une question d'égo aussi. Mais effectivement, les hommes considèrent qu'ils n'en ont pas besoin jusqu'à le moment où ils sont atteints de la pathologie et donc où leur motricité et autonomie sont atteints. Mais sinon, avant... Avant, non. Proportionnellement, ton public, c'est au moins 3/4 féminin. Oui, très largement. Ouais. Même 4/5. Ouais. Dans un groupe de 15 personnes, par exemple, on va avoir peut-être 2 hommes et puis le reste des femmes. Ouais. Et c'est une activité qui se fait sur Remiremont, sur Épinal, sur Saint-Dié, sur... Je travaille pour une association nationale. Donc on intervient presque partout en France et ensuite dans chaque département de France, il y a une équipe d'intervention. Et donc dans les Vosges, on intervient presque partout, dans tous les secteurs. Donc ça va de la Bresse, Saint-Dié, sur Épinal, Neufchâteau, Vitel, Mirecourt. Effectivement, on a presque... Et c'est une activité physique sous forme de cours collectifs dans des locaux, des gymnases, des choses comme ça ? Alors on a un petit peu de tout, en fait. Oui. On intervient donc dans des structures qui font appel à nous, donc dans des foyers d'accueil spécialisés, dans certains hôpitaux, dans des maisons de retraite, EHPAD. Oui. Et puis aussi, on a effectivement des cours collectifs. Donc là, les communes nous mettent à disposition une salle. Donc les personnes se déplacent, font leur activité physique adaptée pendant 1 heure et ensuite rentrent chez eux. Et on a également, nous, dans l'association, la possibilité de proposer des interventions à domicile. On se déplace, nous, directement à domicile des personnes. Et on a des interventions vraiment individuelles et donc personnalisées pour ces personnes-là. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment des personnes qui sont fragilisées, qui ne sont pas en capacité de se déplacer sur du collectif. Donc on a des maladies un peu particulières dans ce cas-là. Est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec des kinés, des ergothérapeutes, des gens comme ça ou... Alors à domicile par exemple, effectivement, on suit, on a des suivis de nos séances qui ensuite sont lus par les kinés ou les médecins qui interviennent aussi avec cette personne. Donc là on garde un lien effectivement avec toute l'équipe pluridisciplinaire qui intervient autour de cette personne. Alors quand on est sur du collectif, en fait, nous, on demande un certificat médical. Donc le médecin est averti que la personne fait de l'activité physique adaptée. Mais ensuite, on travaille pas vraiment en collaboration avec eux, mais ils sont quand même au courant qu'ils participent. Et puis, et on les sollicite aussi pendant la communication. Donc, si on met en place un cours dans une commune, eh ben, on va dans les cabinets médicaux et on leur demande d'afficher notre affiche comme quoi va y avoir l'activité physique adaptée. Donc, voilà, on essaye de les toucher de plus en plus, effectivement, de les intégrer, vu que maintenant, il y a aussi la prescription médicale d'activité physique. Voilà, je crois, quel est le rôle des différents partenaires, aussi bien associatifs que les EHPAD, que les collectivités territoriales. Comment ça se passe concrètement? Enfin, tu as déjà décrit, mais... Oui. on a différents partenaires avec différents rôles. Effectivement, on va avoir des partenaires qui vont avoir un rôle plus dans le côté financement. Donc, ils vont nous financer nos actions collectives ou... collective, pardon, et individuelle. Donc, ça va être plus l'ARS. Fallait pas que j'en parle. ça va être le conseil départemental, hein, la conférence des financeurs qui fait des appels à projets. Moyen aussi. et puis ensuite, ça va être les caisses de retraite, beaucoup. Caisses de retraite complémentaires qui financent, par exemple, nos actions individuelles. Oui, parce que la Sécurité sociale ne prend pas en charge ce genre de... Malheureusement, non, malgré la prescription médicale de l'activité physique, il n'y a pas encore de remboursement de la Sécurité sociale. Mais certaines mutuelles le font, je crois. Ah, oui, il y a certaines mutuelles qui commencent à financer, effectivement. Donc on a des partenariats avec certaines mutuelles. Et puis d'autres où, quand on fait des demandes ponctuelles, c'est du cas par cas après. D'accord. Donc des fois, effectivement, si une personne va demander de l'aide pour financer nos interventions individuelles, des fois, ils ont des financements, puis des fois, pas. Parce que Si je comprends bien, c'est pas forcément ponctuel, c'est-à-dire c'est sur ce financement. Ça peut être... Par exemple, une mutuelle peut décider sur un département de toutes ses actions. En fait, on a des contrats ou on a des partenariats nationaux. Des conventions. Voilà, des conventions nationaux. On a des conventions sur l'interrégion et ensuite, on a des conventions départementales. D'accord. Ça dépend avec comment on traite avec tel partenaire. Certaines mutuelles, par exemple, qui n'ont pas forcément de siège social dans les Vosges. Oui, c'est ça. Je pense que la prise en charge est quelque chose qui devrait évoluer, puisque il y a quand même un bénéfice en matière de santé publique, de santé pour ces gens-là. Ah bah bien sûr. Et on évitera certainement des dépenses exactement sur les traitements supplémentaires, plus graves. S'il n'y avait pas cette activité physique. C'est pour ça qu'ils s'y mettent de plus en plus, d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont conscients, justement, de ça, que la personne, ça leur coûte moins cher de leur financer un programme d'activité physique adaptée plutôt que derrière leur financer une hospitalisation, les traitements, les radios, etc. Mais le fonds de prévention d'une caisse primaire, par exemple, la caisse primaire des Vosges, puisque c'est celle qui est concernée, n'intervient pas? Il n'y a pas du tout de financement de la part de la caisse primaire. Alors nous, on traite beaucoup... Comment ? CARSA. On traite beaucoup du coup avec les caisses complémentaires, donc Agir Carco par exemple. Ah oui, d'accord. De l'individuel et la CARSA, ça va être plus sur du collectif. Si, donc, ah oui, c'est la CARSA qui intervient, la caisse primaire. Ouais, donc c'est la CARSA qui finance nos cours collectifs. Et ensuite, on a d'autres partenaires pour des interventions individuelles. Donc, CARSAT, qui, je rappelle, est quand même un organisme de sécurité bien sociale. Bien sûr. En lien avec... Puis la CARSAT nous aide aussi beaucoup sur des actions plutôt ponctuelles. On organise, par exemple, une fois tous les ans, des journées intergénérationnelles, donc avec les missions locales. Donc on fait amener des jeunes de missions locales, des seniors de nos cours collectifs et des personnes âgées d'EHPAD. Et on fait une grande journée. Et donc la CARSAT, jusqu'à présent, nous avait financé sur 2 ans de suite un petit peu cette journée avec le conseil départemental. Donc, ils sont impliqués sur cette question de prévention santé. Je ne sais pas dans les Vosges, mais certaines fédérations sportives participent à cette action-là. Des fédérations, je dirais pas d'athlétisme, de football, etc. Je crois que ça existe. Alors, nous, on n'a pas de financement avec eux, je veux dire. Mais effectivement, dans d'autres départements... Puis il y a le côté aussi, parfois, ils ouvrent aux seniors. Les clubs, de plus en plus, les fédérations ouvrent des créneaux aux seniors. Donc là, on peut être amené à intervenir. Donc pas dans les Vosges, mais peut-être qu'à d'autres endroits, effectivement. Oui. Mais pas dans les Vosges. Parce que là, le but, c'est pas de développer une activité sportive de compétition. Non. Même adapté. Ouais. Il faut rester vraiment sur de l'adapté. Ouais. Il faut rester sur de l'adapté. Donc, si les fédérations ouvrent effectivement un créneau pour seniors et personnes âgées, il faut qu'il y ait la personne diplômée qui soit d'une part spécialisée dans le sport concerné adapté. Et puis qui soit aussi un petit peu spécialisée dans le public qu'il va rencontrer. Parce que personne âgée, ça veut dire peut-être prothèse, problème d'arthrose, ostéoporose ou je ne sais quelle maladie. Hein. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des connaissances. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale, puis on va parler un petit peu des urgences dormirement. Oui. Au départ, on s'est présenté, et puis on a tout de suite abordé le sujet de fond. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't pray on innocent. Voilà, donc après cette pause musicale, je suppose, on a eu quelques petits incidents techniques, mais ça y est, c'est rétabli. Hein, Christopher assure. Que disait-on ? Eh ben, que de toute façon, ben, il fallait qu'on parle un peu des urgences de Remiremont, hein, puisque samedi avait lieu une manifestation dans les rues de Remiremont, en particulier, puis devant l'hôpital. Et donc, je vais laisser un peu la parole à Jean Tisserand. Tout à l'heure, on a passé la chanson des urgences, hein, qu'on nous a gracieusement donc, transmise par Internet. Oui, voilà. Tout à fait. Quelques mots, Jean. Donc, ces services d'urgence sont toujours en grève sur le plan national. 180, combien ? 180 jours ? Oui, à peu près 6 mois, je crois, déjà de grève. Hein. Je crois que les 3/4 des services d'urgence sont en grève, mais comme les urgences fonctionnent de manière en personnel minimal en tout temps, ces gens-là sont réquisitionnés et assurent le service tout à fait normal des urgences. Ces urgentistes se battent essentiellement pour garder des moyens de fonctionner et d'assurer bien leur mission des urgences, hein, c'est-à-dire que de réduire les temps d'attente, d'avoir des lignes de garde suffisantes pour pouvoir prendre en charge les gens et des lits d'aval pour pouvoir hospitaliser les gens et ne pas les laisser sur des brancards. Donc ils se battent pour vous, je dirais, pour maintenir un service de qualité. C'est leur revendication essentielle qui n'est plus assurée, puisqu'on a fermé, je crois, en une vingtaine d'années, quasiment la moitié des services d'urgence. Donc on a éloigné les populations de ces services d'urgence et on réduit maintenant les moyens de ces services d'urgence. Et déjà les attentes explosent. Voilà, oui, tout à fait. On a parlé quelquefois de 12 heures, 14 oui, heures. Oui, bien sûr, oui, oui. Des délais moyens de 7 heures, c'est tout à fait... à Nancy, par exemple, au CHU, c'est un délai tout à fait normal. Le personnel ne voit toujours pas le bout du tunnel. Parce que de toute façon, même si l'ARS a renoncé, enfin, le ministère, l'ARS... dire, on se demande où sont les responsabilités, hein. Je pense que ça commence du plus haut vers le plus bas, même si l'ARS donne certaines garanties, je crois qu'on n'a pas beaucoup progressé, Et donc les urgences continuent à se battre. Puis à des maths aussi, nous les soutenons à 100%, parce que je crois qu'ils se battent pour l'accès aux soins, la qualité des soins, et pour vous, pour la population qui... Puisque faut bien savoir que quand même à partir de la nuit et du soir, par exemple, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de médecins de garde ou très très peu. C'est très difficile d'avoir déjà un médecin traitant en journée. Donc la nuit, il n'y a plus rien. Les urgences, c'est le dernier recours, le recours ultime quand on est inquiet, quand on a un enfant qui a 40 ans, quand on ne trouve pas de médecin. On s'aperçoit que les pernances médicales, ben, ça laisse à désirer, et que par expérience. Alors, à la famille, les gens qui réduisent, problèmes avec Medigard, qui réduisent l'activité des urgences administrativement disent que beaucoup d'urgences ne sont pas des réelles urgences, mais ce sont des urgences ressenties et faute de réponse normale médicale sur le terrain. Et une urgence peut ne pas être une vraie urgence, mais on ne le sait qu'après, quand il y a une prise en charge médicale. Et en l'absence de prise en charge médicale, il faut continuer d'aller aux urgences. Il n'y a pas une fièvre inexpliquée chez un enfant, peut-être un début de méningite qui était catastrophique si on attend 12 heures ou 24 heures avant une prise en charge médicale. Donc c'est tout à fait raisonnable d'aller dans un service d'urgence qui assure les urgences pédiatriques, que ça existe à Remiremont, par exemple, pour faire examiner l'enfant. Peut-être qu'on va vous dire rien, c'est viral, mais on va peut-être vous dire c'est une méningite, heureusement que vous êtes venu. C'est un exemple tout bête. Hein. Et que ne pas prendre en charge des cas qui paraissent relativement banals au départ les amène vers des complications qui peuvent être graves, donner des séquelles, une morbidité, une mortalité conséquente. Et puis en restant terre à terre, très coûteuse pour la sécurité sociale. Bien sûr. Et puis donner des séquelles, une méningite qui n'est pas prise en charge, donne des séquelles. Ça n'est qu'un exemple. Hein. Et puis c'est vrai que Medigard renvoie facilement aux urgences, parce que c'est vrai que le diagnostic n'est pas toujours évident, faute de mesures d'investigation. Et je crois qu'on ne fait pas de médecine uniquement au téléphone. Je crois qu'il faut voir les gens, les examiner, voir la couleur qu'ils ont, l'aspect qu'ils ont, les ausculter, palper des ventres, ausculter les poumons, écouter le cœur, voir les éruptions cutanées, etc. Je crois que c'est un métier qui ne se fait pas par téléphone. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une prise en charge visuelle par une équipe, ce que font très bien les urgentistes et les équipes d'urgentistes. Hein, la télémédecine, c'est bon pour... C'est côté un... bobologue. Oui, puis c'est un côté remplacement d'une médecine qui... d'une vraie médecine qui est en perte de vitesse, et je crois que c'est pas bien. Voilà. Enfin, c'est mon sentiment. Merci, Jean. Jean, qui est ancien gynécologue à l'hôpital de Remiremont, et puis aussi vice-président de l'ADEMA, hein, plusieurs casquettes. Qui est notre partenaire pour cette magazine santé. Voilà, on revient à Aurélie, parce que la prévention, c'est aussi un enjeu pour la sécurité sociale, pour la santé, pour l'accès aux soins aussi, je crois. Oui, tout à fait. Alors, faire peut-être part de toutes les actions que tu as menées jusqu'à présent dans le département des Vosges. En fait, on a déjà un petit peu parlé, mais plus précisément. Ce que les activités qu'on met en place sur le département ? Oui. Ouais. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on touche principalement quand même des seniors, personnes âgées. Donc, du coup, nos activités, ça va être beaucoup de travail sur de l'équilibre, par exemple, équilibre prévention des chutes. Donc, pour cet atelier-là, on va faire travailler la coordination, l'équilibre statique et dynamique, mais aussi des petits gestes techniques sur les ramassés d'objets. Le relevé de chaise et aussi le relevé de chute, où on se rend compte quand même que lorsque l'on vieillit, malheureusement, les personnes qui chutent à domicile sont incapables de se relever. Et on sait que plus ils passent de temps au sol, plus les séquelles peuvent être importantes. Donc du coup, voilà, on travaille quand même beaucoup le relevé de chute pour les seniors. On va faire aussi des ateliers de marche nordique. Pas simplement de la marche pédestre, parce qu'on a appris que les bâtons aidaient beaucoup dans la mobilité des personnes. Et puis, ça permet aussi d'amplifier absolument tous les gestes des bras, les gestes des jambes, et puis ça soutient. Donc, du coup, ça facilite les déplacements. Et l'objectif, du coup, c'est que sur le long terme, ils puissent se déplacer de plus en plus à pied et non de prendre la voiture. Ça soulage pour aussi les articulations. Oui, ouais. Ça soulage les articulations, ça permet un redressement du corps, de la tête, des épaules, du dos. Puis ça permet aussi d'amplifier le travail cardiovasculaire, respiratoire, voilà, toutes ces genres de choses. Vous avez des partenaires pour la marche nordique, les clubs ? Alors on travaille, donc c'est des partenaires plus sur la communication, effectivement. On travaille avec par exemple les clubs de marche nordique, les clubs vosgiens. Où en fait, voilà, on les sollicite, où on leur dit, voilà, on va mettre en place cette activité physique. Donc ça reste de l'adapter, on ne fait pas des kilomètres de marche, ce n'est pas le but. Et en fait, on leur demande simplement s'ils ont connaissance de personnes qui ne peuvent plus suivre leur cours de marche nordique. Dans ce cas-là, ils peuvent nous les renvoyer vers nous. Et inversement, si nous, on a des inscriptions de personnes qui sont capables de marcher facilement, on les renvoie plutôt vers les clubs vosgiens. Donc en fait, voilà, c'est des échanges de communication, de... Oui, puis il y a des clubs spécialisés dans la marche nordique aussi. Ouais. Ça existe par exemple à Saint-Nabord, tout près de nous. Ah, peut-être. J'ai pas connaissance de tout. Non. Moi, voilà, moi, je travaille principalement avec les clubs vosgiens, où on sait que c'est des clubs qui marchent bien, qui marchent vite et qui marchent beaucoup. Donc du coup, on a connaissance de certaines personnes qui ne peuvent malheureusement plus suivre leur cours et qui veulent pour autant continuer la marche nordique. Donc là, du coup, on intervient à ce moment-là. Mais toi-même, tu participes à ce genre de cours ? Eh bah, comme on les anime, du coup, on marche avec eux. Ah, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que je ne les suis pas en vélo ou en voiture. Hein. D'accord. Je pense qu'ils me pointeraient du doigt. Non, effectivement, on marche avec eux. Et puis, pendant une heure de marche nordique, on ne va pas faire une heure de marche. Y a bien évidemment le temps d'échauffement et d'étirement à la fin. Et puis, le but, ce n'est pas juste de faire de la marche, c'est aussi apprendre la technique. Donc, on va faire des exercices de renforcement, d'endurance, de poser de bâton, de pousser de bâton. Donc, en fait, on fait 10 minutes de marche, on s'arrête, on fait un exercice, on reprend de la marche, on s'arrête, on fait un exercice. Et de temps en temps, il y a certaines séances où, effectivement, là, on va marcher pendant une heure. Mais notre objectif, c'est aussi d'y associer ce renforcement musculaire et ce travail d'endurance pendant la marche. C'est pour ça qu'on appelle ça vraiment de l'adapter. Notre but, c'est pas de faire 10 kilomètres. Numériquement parlant, les groupes, tu as des groupes de combien de personnes ? Nous, on peut accueillir 15 personnes parce qu'on a 15 paires de bâtons. Voilà, d'accord. Donc, tu es toute seule pour... On est seul. Alors, appel à des partenaires associatifs pour ça ? Non, parce que pour intervenir, il faut vraiment qu'ils aient le diplôme, oui, la licence APA, activité physique adaptée. Sinon, on peut pas. Ils peuvent pas venir intervenir avec nous. Il faut qu'ils aient ce diplôme-là. Donc, À titre d'information, il y a un nombre de pas minimal par jour qui maintiennent une activité physique durable chez des personnes âgées. Oui, alors il y a une recommandation. Normalement, ce serait autour des 10 000 pas, normalement. Voilà. Mais nous, vu qu'on est sur du public fragilisé avec pathologie ou handicap, on leur dit que déjà entre 6 et 8 000 pas, on considère que c'est déjà très bien. C'est leur objectif, même, la plupart du temps. Et vous représente quoi, ça Je pense un peu 10 000 pas, ça ferait quoi, 8 km à peu près? Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui. Donc nous, voilà, pour des personnes, la plupart du temps, on touche quand même des personnes qui ne sont pas de nature très dynamique, qui n'ont pas eu l'habitude de faire une activité physique pendant leur jeunesse. Oui, donc du coup, déjà, ouais, s'ils arrivent à faire les 6 ou 8 000 pas par jour, c'est bien. Ils sont très, très contents, et nous aussi, quoi. Et puis ensuite, après la marche nordique, on a aussi des ateliers qu'on appelle gym prévention santé, où là, pendant ces séances, on travaille absolument de tout, de l'endurance, de l'équilibre, réflexe, coordination, et j'en passe. Hein, et ça passe par des jeux de ballon, par des parcours moteurs. Et puis, je réfléchis. Puis aussi, on a des ateliers de Pod Fitness, même que ça s'appelle, c'est avec des baguettes de batterie, où c'est une activité chorégraphiée, donc avec de la musique, et on fait une chorégraphie avec les bâtons, donc il faut taper au sol, sous les jambes, en l'air, avec des pas chassés, en avant, en arrière, etc. C'est à portée du public. Oui, bien sûr. En fait, mais on est capable d'adapter toute activité, n'importe laquelle. Vous nous demandez de faire du basket, on est capable de faire du basket avec senior, cancer ou diabète. On est capable de faire du tennis avec... on ne fait pas de tennis, hein, parce qu'on n'a pas le matériel, mais on est normalement capable de pouvoir l'adapter. Donc effectivement, on peut adapter du pon fit pour des seniors ou autres publics. Et pareil, c'est un groupe de 10 à 15 personnes. Oh, on peut monter facilement à 20 avec à 20, ce genre d'activité. Même, ouais. C'est une activité de fitness. Donc chacun a ses baguettes et ensuite on essaye de faire un cours ensemble. Et ça peut se faire même avec un public de type Alzheimer, hein, cette activité. C'est excellent pour la mémoire, la coordination, le repère dans l'espace. Et puis on peut la faire assise, du coup. On n'a pas besoin forcément de se mettre debout, on peut être assis. Donc on peut l'adapter à tout public. Est-ce que vous constatez objectivement une amélioration des performances chez ces personnes âgées? Oui. En matière, par exemple, d'autonomie, de pas, ouais, de distance, de bien temps. Bien sûr. Oui. On a des groupes, où on les suit depuis plusieurs années. Oui. Et puis effectivement, donc nous, on s'en aperçoit peut-être un petit peu moins parce qu'on les voit de semaine en semaine. Ouais. Donc pour nous, c'est difficile, sauf si vraiment il y a de grosses améliorations. Mmh. Mais sinon, il nous est difficile de voir les petits détails vu qu'on les voit quand même régulièrement. Mais par contre, c'est eux qui reviennent vers nous en nous disant maintenant je suis capable de ramasser un objet, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au genou, ou ne serait-ce que tourner la tête. J'ai un monsieur qui m'a dit maintenant je suis capable de regarder l'angle mort dans la voiture, ce que j'étais incapable de faire avant. Donc c'est des petits détails comme ça, mais qui du coup les mettent de la vie, qui sont facilités. Voilà, c'est ça aussi. Oui. Pouvoir me gratter le dos ou me laver le dos. J'ai des personnes qui maintenant sont capables d'aller se laver derrière le dos tout seul. Ou c'est des personnes qui avant n'avaient pas l'habitude de marcher, qui maintenant ont pris le réflexe de je vais marcher 3 fois par semaine de manière autonome. Donc effectivement, oui, on voit des petits réflexes, des petits changements, et aussi en termes de capacité. Des petits détails qui améliorent la vie tous exactement. Les jours. Exactement. Et puis ces retours, nous, ça nous fait vraiment du bien, parce que du coup, on se sent utile. On est quand même fiers de pouvoir participer à leur maintien de leur autonomie. C'est capital, je pense. Vous avez un rôle primordial, je crois. On pense aussi. Est-ce qu'il y a une évaluation auprès des résultats? Alors effectivement, sur nos activités, on passe des tests physiques et puis on a aussi des questionnaires de satisfaction, bien sûr. Donc les tests physiques, donc quand on est dans une structure sur un an, on passe des tests physiques normalement à peu près tous les 6 mois. Donc AT0, donc la première séance, AT6 après 6 mois et AT12 mois, donc à la fin de l'année. Et donc ensuite, on arrive à obtenir des graphiques. Parce que là, on retrouve les mêmes groupes. Oui, sur un an, dans des structures, on a les mêmes groupes sur un an. Bon, il y a un noyau central. Après, il y a certaines personnes qu'on ne voit plus au bout d'un certain temps, mais il y a un noyau central, un groupe de... Oui. De 8 personnes qu'on retrouve sur un an. Et donc là, on peut voir les évolutions avec ces graphiques qui sont donnés grâce oui. aux tests physiques. Oui. Et puis, bah, sur nos interventions en collectif donc de seniors, on passe également des tests physiques en début et fin de cycle. Donc effectivement, on arrive du coup à avoir des courbes, des graphiques d'évolution pardon, sur l'équilibre, le renforcement musculaire, l'endurance. On met tout ça en place, effectivement. Mmh. Ouais. Je crois que c'est ce capital de démontrer finalement, objectivement, avec un bilan initial, un bilan d'arrivée, les performances. Ouais, c'est ce qui nous différencie des animateurs. Hein. L'amélioration mmh. peut-être de l'état de santé même de départ, hein, Alzheimer ou autre, voir si on arrive à ouais. performer bah, un petit peu. C'est, à mon avis, capital de le démontrer, et c'est même passionnant, je pense, de le faire. Et peut-être en vue de prise en charge, si c'était fait sur le plan national, de prise en charge, si on démontre un jour que les diabètes, les Alzheimer ou autres maladies comme ça qu'a été créé notre neurodégénératives métier, hein. Sont nettement améliorées pour un coût peu important, il est vraisemblable que la sécurité sociale changera d'avis et bien prendra sûr, prise ouais. en charge. Premièrement, c'est valorisant pour les personnes parce qu'à la fin, on est capable de leur dire bah, écoutez, sur ce test d'équilibre, vous avez gagné, vous êtes capable maintenant de tenir par exemple 30 secondes sur une jambe alors qu'au début, c'était que 3 secondes. Donc déjà, eux, il y a une prise de conscience sur leur capacité, sur l'amélioration qu'ils ont eue. Du coup, ça les encourage. C'est valorisant pour nous parce que du coup, on est quand même fiers. Oui. Et puis effectivement, c'est ce qui permet de nous différencier des animateurs. Hein. En EHPAD, oui. Les participants ou même les professionnels ont du mal à faire une différence entre les animateurs qui viennent faire leur activité et nous, les enseignants en activité physique adaptée. Et donc, ce qui nous différencie, c'est justement ce passage de test pour prouver qu'on a une action sur la santé et qu'on n'est pas là juste pour faire passer le temps aux résidents, même si oui, on oui. est là aussi pour leur faire passer un bon moment. Hein. Mais on est là aussi dans un secteur objectif, médico-social, oui, voilà, objectif. Avec un objectif de santé. Bah, oui. Et puis, bah, effectivement, c'est ce qui a permis de créer notre métier. C'est qu'en fonction, au fur et à mesure des recherches qui ont montré que l'activité physique adaptée avait un impact pour le cancer, pour l'obésité, pour le diabète. Au fur et à mesure, voilà, on a fait plusieurs recherches sur plusieurs maladies et handicaps. Et donc, du coup, de là a été créé notre métier. Mais s'il n'y avait pas eu tous ces tests physiques, on n'aurait peut-être pas été là aujourd'hui. Donc c'est très important et ça nous permet, nous, de demander des financements derrière pour justifier de nos actions. Mais tu es toute seule pour faire non. tout ça ? Non, oula, quand même pas. Non, j'ai déjà assez de travail comme ça. Non. Alors, dans les Vosges, on est une équipe de 5. Donc, moi, je suis la responsable départementale. On appelle ça des RD pour raccourcir. Et puis ensuite, avec moi, j'ai 4 chargés de prévention. On appelle ça des chargés de prévention ou des intervenants. Donc, ils sont aussi diplômés APA ou master ou licence. Mais voilà, 4 personnes qui sont sur le terrain à temps plein et donc qui ne font presque que ça. Et c'est eux qui font passer les tests, c'est eux qui rédigent les bilans derrière. Donc voilà, ils ont un rôle très important. Ce qui te laisse un peu les mains libres pour intervenir directement dans les groupes. Ouais, alors moi j'ai aussi des heures d'intervention, hein. J'ai aussi mes groupes et puis à côté de ça, bah, du coup je fais le travail d'une cadre, hein, d'une responsable, donc tout le côté administratif, démarchage, communication, les projets, la rédaction de projets, etc. Mais on garde tous quand même un pied sur terre, un pied sur le terrain pour avoir toujours conscience des difficultés qu'ont les chargés de prévention. Et puis aussi, c'est quand même mon métier de base d'intervenir sur le terrain. À la base, je suis formée que pour ça. Donc si on m'enlève cette partie-là, je perdrai un petit peu l'essence même de mon métier. Donc c'est important qu'on ait tous des heures d'intervention. Oui, il ne faut pas se laisser envahir par... Non. Non, puis vraiment rester... Le côté, ouais, pas... puis, comme je suis passée par le côté évaluation, il faut quand même... Puis comme je suis passée par une faculté de sport, on est tous de nature un peu nerveux. Hein. On n'aime pas rester assis longtemps les fesses sur une chaise. Et puis, donc du coup, on est très content quand on a des heures d'intervention. Ça nous permet de lâcher un petit peu justement le bureau, la chaise. Voilà. La chaise, ouais. Parce qu'on en devient presque sédentaire nous-mêmes, hein, du coup, à force de rester assis. Même si on connaît toute la théorie, quand on est obligé de rester assis devant l'ordinateur... Je pense que là, sur une journée de travail, ça signifie à peu près quoi ton emploi du temps Par exemple, le lundi, le mardi et le mercredi après-midi, je suis en administratif, donc je peux passer plus de 7 heures assise. C'est quand même un gros boulot administratif. Ah oui, énorme. C'est le département entier qu'il faut que je gère. Et puis ensuite, mon mercredi matin, mon jeudi, mon vendredi, là, c'est des heures d'intervention avec un peu d'administratif entre deux cours, etc. Je pense que ce type d'activité a aussi une fonction sociale. Ah, bien sûr. Parce que les gens se retrouvent, se regroupent. Il y a des cours collectifs, il y a des échanges, on discute, on constate les améliorations et on en parle. Et je pense que c'est Il y a énormément important d'échanges. Chez les personnes âgées ou en cas de maladie neurodégénérative. D'ailleurs, je dis toujours à mes groupes que la langue, c'est le muscle qui perd le moins, presque. Là, c'est efficace à tout âge. Non, effectivement, ça permet d'échanger sur leur maladie. Notamment, j'ai un groupe cancer sur Golbey. Et sur une heure et demie d'intervention, il y a bien une demi-heure ou trois quarts d'heure d'échange qui sont répartis pendant la séance. Mais parce qu'ils ont besoin de parler de ce qu'ils vivent, de comment ils gèrent les traitements, la prise en charge, et puis d'échanger sur des petits conseils, des petites techniques aussi pour mieux supporter tel ou tel moment. Et donc du coup, se connaître. Et aussi se connaître, ça permet de rencontrer du monde. Dans certains temps, je suppose que le groupe devient assez homogène. Oui. Et puis il y a une cohésion d'équipe qui est assez impressionnante. Voilà. J'ai des personnes qui sont capables de se voir même à l'extérieur de nos groupes. J'ai aussi des groupes seniors où on a fait de la marche nordique. 2 ans après, ils sont encore à se réunir tous ensemble et à marcher de manière autonome. On n'est plus là, mais ils ont gardé ce groupe et ils continuent de marcher entre eux, à se donner rendez-vous par SMS, etc. Donc effectivement, il y a un gros rôle sur le côté social. Rencontre, échange, sortir de chez soi, voir d'autres mondes. Et puis du coup, ça impacte sur le côté psychologique. Hein. Ça fait énormément de bien de voir du monde. Donc effectivement, il n'y a pas qu'un impact physique, physiologique. Il y a aussi un impact psychologique et social à faire des activités collectives. Est-ce qu'il y a de la relaxation, du yoga, des choses comme ça un petit peu? C'est vrai, quand j'entends Aurélie, ça rejoint exactement mon activité de sophrologue. La création, justement, et le maintien de ce lien social. Mes séances ont aussi une durée d'1h30. Et en fait, sur 7h30, il y a bien, pareil, à peu près 3/4 d'heure d'échange. Donc l'importance de lien social, tout à fait. Il n'y a pas que la technique qui est importante. Comme tu disais aussi très bien, c'est que forcément, quand il y a ce lien social, ça va impacter aussi le mental. Et les personnes vont aller de mieux en mieux et le corps va suivre. Enfin, c'est vraiment ils un ensemble. Ils ont envie de venir. Et ils ont envie de se retrouver. En plus, ils ont vraiment envie de se retrouver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on avait ce projet Sophro-Ciel complémentaire Sophro et activité physique adaptée parce qu'on est dans la même dynamique d'accompagnement des personnes fragilisées et donc de maintenir ce lien social qui est hyper important et d'apporter nos techniques différentes mais complémentaires. Merci. Alors, les effectifs par rapport au département? Le nombre de personnes qu'on touche? Oui. Oula, je serais incapable de le dire. Oh non, je serais incapable de le dire. Par groupe, on considère que sur les emplois du temps, chaque chargé de prévention a en moyenne, donc ça dépend des périodes, des vacances scolaires, etc., d'été, mais en moyenne, ils ont 20 heures chacun d'intervention par semaine. Ça peut aller jusqu'à 24 heures ou un peu moins, 18 heures, 19 heures. Donc, et par groupe, on compte en moyenne 10 à 15 personnes par groupe, voire même on a des groupes surtout, notamment à la Bresse, on a des groupes où ils sont 25 là, ou même dans un cours sophro-ciel, donc sophrologie activité physique adaptée à Cornimont, ils sont 24. Donc voilà, donc ça dépend. On touche quand même énormément de personnes, ça c'est sûr. Mais je ne saurais pas dire combien. Alors, de quelle manière on fait appel à vous? Enfin, on a déjà vu, il y a le filtre un petit peu des collectivités, des EHPAD, etc. Mais là, une personne qui serait intéressée, qui n'appartient pas à une EHPAD, qui n'appartient pas forcément à un personne groupe, elle peut vous contacter quand même. Oui, bien sûr. Après, malheureusement, faut connaître notre association pour venir vers nous. Et la plupart du temps, on apprend notre existence que lorsqu'on est dans le besoin et qu'il y a déjà un handicap ou une fragilité. Donc de là, normalement, les structures, notamment les hôpitaux, les infirmières, etc., peuvent parler de nous et ensuite les personnes nous contactent. Donc ils leur donnent mes coordonnées et ensuite les personnes peuvent me contacter. Oui. Puis sinon, on a un site internet. Une information Il y a une information qui circule, il y a des dépliants. Oui, il y a... bah surtout quand on lance, quand on met en place des activités sur une commune, on lance toute une communication aux alentours. Donc on a du coup des partenaires aussi qui nous aident beaucoup dans la communication, c'est les gestionnaires de cas Maya. On a aussi, on contacte beaucoup les ADMR. Maya, c'est. C'est alors Maya, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est des personnes qui suivent de manière régulière les personnes qui sont vraiment fragilisées et isolées à domicile. Donc elles vont être responsables de leurs rendez-vous médicaux, par exemple. De leur mise en place d'une téléalarme, de... voilà, je ne saurais pas vraiment, vraiment bien détaillé parce que je ne suis pas une spécialiste, mais en fait, elles suivent des personnes à domicile et c'est des cas complexes. Est-ce qu'il y a une prescription médicale ? Alors, il y a ce qu'on appelle PrescriMove. Oui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Donc, PrescriMove, c'est justement, ça a été mis en place lié à cette prescription médicale de la loi 2016. Mmh. Donc, c'est l'APS Vosges de Remiremont qui est porteur de PrescriMove. Vous ne connaissez pas APS Vosges ? Donc en fait, voilà, il y a effectivement y a une prescription médicale de maximum 8 séances, je crois, qui est faite par les médecins. Et en fait, ensuite, dans le département, il y a des cours qui sont labellisés. Médecins généralistes, médecins hospitaliers. C'est médecins généralistes ou hospitaliers. Je pense que ça peut être les deux. Bon, la plupart du temps, c'est des généralistes, hein, c'est les médecins traitants. Ouais. Et donc, quand il y a cette prescription médicale, ensuite, les personnes, on les oriente dans trois parcours possibles. Donc le parcours 1, parcours 2 ou parcours 3 en fonction de leur capacité. Et ça, c'est déterminé via un entretien initial qu'on fait passer. Et donc ensuite, voilà, on les redirige vers des cours qui leur sont adaptés en fonction de l'entretien. Je crois que c'est important, les médecins généralistes, parce que c'est eux qui sont au contact, bien sûr, pas quotidien, mais presque des patients, et qui voient progressivement les baisses d'autonomie, les handicaps survenir. Je crois que, oui. Je crois que vous avez certainement beaucoup à, ouais, on a certains à médecins, gagner pour ouais, les patients. On travaille déjà avec certains médecins, ou plutôt il y a certains médecins qui ont connaissance de notre association, oui, et qui du coup effectivement nous renvoient certaines personnes, notamment pour des programmes à domicile individuels, parce qu'effectivement ils ont le suivi de la personne, ils voient la personne évoluer, décliner, et donc ils sont conscients, oui, eux-mêmes des difficultés. Ouais. Et puis, il y a aussi ce côté que lorsque ça vient du médecin traitant, les personnes sont plus ouvertes. Mmh. Et donc, du coup, ils se disent « Ah bah oui, mon médecin m'a dit de le faire. » Donc, oui, du coup, effectivement, ils sont plus enclins à accepter d'avoir cette aide, de bénéficier cette action. Oui. Mais après, malheureusement, c'est seulement en train de se développer. Les médecins ne sont pas forcément encore au courant. Oui. Ils ne mettent pas encore non plus en place trop cette prescription médicale. Il n'y a que très peu de médecins qui l'utilisent. Je crois que c'est dommage. Certainement un manque d'information. C'est dommage, manque d'information. C'est manque d'information, d'autant plus effectivement. Que, bon, je connais quelques médecins qui sont de grands sportifs par ailleurs. Et qui sont toi-même, tu... Oui, un petit peu. Mais et qui sont, à mon avis, des convaincus de l'activité, ouais, sportive ou physique en général sur l'état de santé, je pense. Puis même s'ils ont connaissance, il faut ensuite connaître aussi ce qu'il y a localement. Et oui, ça, du coup, il faut que les médecins prennent le temps de regarder, de s'informer. Et ils l'ont peut-être pas, ce temps. Ah oui. Donc, il y a aussi de ça... Je crois qu'il faudrait que vous fassiez du démarchage, je crois. Oui, ouais, ouais. Mais on le fait... Enfin, on commence avec les cabinets médicaux. On ne fait pas, oui, sur les médecins libéraux, parce que là, j'ai pas le temps de taper, oui, à la porte de tous les médecins. Mais en tout cas, dans les cabinets médicaux, on essaye de les inclure dans notre communication, sur nos différentes activités. Mais effectivement, il faudrait un temps... il faudrait que j'y consacre un certain temps, ouais. Il faudrait. Non, les kinés, ouais, aussi, les kinés, les ostéopathes, enfin, ce service, ce secteur. Une coordination complète avec le secteur médical. Ouais, ouais, ouais, ce serait top. Mais avec PrescriMove, c'est en train. C'est en train. Ouais. C'est très ça bien. Va le faire. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. 'cause I need you and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles high and just see you tonight. Ben voilà, c'est reparti. Donc, avec Justine, Aurélie et puis Jean, donc, dans ce magazine santé, on parle bien sûr de l'activité physique adaptée. Que dire encore ? Je pense qu'on a peu, on n'a pas épuisé le sujet, hein, loin s'en faut, je pense. Mais je pense qu'il faut que notre rôle de radio locale aussi, c'est de faire un maximum d'informations par rapport à cette mission d'Aurélie, hein, on peut appeler ça une mission quand même de santé publique, bien sûr, de santé publique, parce que moi-même j'ai découvert que ça existait, hein, c'était par l'intermédiaire de Jocelyne lors d'une émission de magazine santé. Comment l'avenir un peu développer quand même? Je ne sais pas si on peut développer cette activité dans un premier temps, mais surtout informer le public. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça se fait de bouche à oreille. Oui, ça se fait beaucoup de bouche à oreille. Et ensuite, on compte beaucoup sur nos différents partenaires. Hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents professionnels, il faudrait qu'ils s'informent, qu'ils cherchent l'information pour nous trouver et pour ensuite en parler à leurs différents patients et différentes activités. Et puis, principalement, il faut quand même passer par notre site internet pour avoir beaucoup d'informations. Voilà, c'est notre site internet, donc c'est www.cielbleu.com. Et Ciel Bleu, c'est avec un S, donc c'est S-I-E-L-B-L-E-U. Donc voilà. Mais sinon, on n'a pas de bureau dans les Vosges, hein, notre siège est à Strasbourg, vu que c'est une association nationale, notre siège est à Strasbourg. Donc on n'a pas de bureau dans les Vosges, donc on n'a pas un endroit particulier où on peut prendre des informations, malheureusement. Alors, il faudrait venir chez moi, mais je ne suis pas forcément pour. Il y a un numéro de téléphone régional ou... Alors, départemental, du coup, c'est le mien. Donc, effectivement, donc, moi, je le donne, c'est le professionnel. Donc, tout va bien. Donc, c'est le 06 36 37 35 51. Et puis sinon, j'ai une adresse mail qui est aurélie.poulain. Donc, Poulain, c'est P-O-U-L-A-I-N, @cielbleu, tout attaché, donc ciel avec un S.org. Donc voilà, donc c'est là où on peut prendre des informations. Et puis sinon, quand on est... futurs bénéficiaires, voilà, quand on est dans le besoin, c'est essayer de s'informer auprès de son médecin, auprès de son kiné, auprès d'un hôpital, auprès de... Voilà, voilà. Sortie d'hospitalisation. Voilà, exactement, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, je veux dire, on n'est pas les seuls à faire de l'activité physique adaptée, il y a peut-être autre chose localement qui peut exister où on n'est pas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de poser des questions, de s'informer, de chercher sur Internet, voilà. Très bien. Voilà. L'Orlais est fait, au moins à notre niveau, mais c'est peut-être un peu dommage qu'on ne trouve pas des dépliants ici et là. On va le mettre en place. Non, si. Ouais, on va. On va dans un futur proche, on laissera, on compte laisser du coup des dépliants de présentation de notre association avec mes coordonnées. C'est vrai qu'on n'a pas toujours un stylo pour noter les références. On pourra vous donner la parole de temps en temps pour en reparler, parce que je crois que c'est capital. Oui. C'est bien. Oui, c'est vrai que notre rôle de radio locale, c'est aussi d'informer. D'informer, oui, oui. Les bénéficiaires potentiels de ce type de prestations. Oui, oui, oui. Et puis c'est quand même une mission de service public. On y tient. Mmh. Puis après, il y a énormément de bouche à oreille. Hein. Quand on en a entendu parler et quand on a connaissance de quelqu'un dans notre entourage, notre voisin, notre mère, notre frère, etc., bah voilà, c'est d'informer et puis de donner les informations. Oui. C'est de sensibiliser le maximum de personnes. Et c'est de la prévention, puis de la thérapeutique, mais sans effet secondaire. Mmh. On n'a pas de médicaments qui ont des effets iatrogènes. C'est non thérapeutique, oui. C'est thérapeutique et sans effet secondaire, que du bénéfice. Non médicamenteuse. Est-ce qu'il y a des mutuelles, mutuelles dans les Vosges qui sont associées, enfin, les mutuelles nationales, hein, puisque la plupart ont dimension nationale, bien entendu. Surtout. On travaille avec la MNH. D'accord. Donc, forcément, ils sont conscients, hein, du coup, des besoins. Donc, avec la MNH, on a des cours collectifs. Et puis, en individuel, c'est de demandes ponctuelles. En fait, quand on a quelqu'un qui est dans le besoin, on regarde un petit peu les caisses de retraite principales, complémentaires ou mutuelles. Et puis, on fait des demandes ponctuelles. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il n'y a pas de convention avec la MUCHE, la Mutuelle Générale. Non, malheureusement. Voilà, d'accord. Ça arrivera peut-être, hein, mais des fois, c'est Je pense qu'il y aura de bonnes mutuelles qui vont s'emparer de ça. Qui vont voir. Sûr. C'est même leur intérêt bêtement financier, je dirais, que de faire ça, parce qu'on évite des dépenses de santé beaucoup plus catastrophiques ultérieurement, je crois. Oui. Ouais. C'est dommage d'ailleurs que on évite des prises médicamenteuses. On évite des prises médicamenteuses, on évite d'examens complémentaires, des hospitalisations pour des chutes à répétition, etc. Enfin, déjà largement développé ça, mais c'est financièrement, même purement financièrement, en dehors du bien-être qu'on apporte aux patients, c'est à mon avis une affaire rentable pour les caisses de sécurité sociale et les caisses de mutuelle, je pense. Et c'est dommage aujourd'hui, donc. Cette activité n'est pas encore remboursée. Oui, mais ça, je pense que ça viendra. Mais je crois que c'est en test sur un département, le remboursement avec la sécurité sociale. Alors, je ne sais plus sur lequel, mais c'est en test. Pas l'assurance maladie. D'accord. Mais en tout cas, sur la sécurité sociale, c'est en test quelque part. Parce que là, la CARSAT, ça paraît un rôle normal. Oui, Puisqu'elle s'occupe aussi de la politique des personnes âgées. Mais après, quand on doit créer comme ça des partenariats, des conventions, ça prend du temps. C'est intéressant aussi. Ouais. C'est des choses qui prennent du temps parce qu'il faut négocier une question de financement. Donc forcément, qui dit argent dit que ça prend du temps, en fait. Faut négocier les tarifs, faut négocier. Voilà. Donc voilà, on est sans cesse en négociation pour justement toucher un maximum de personnes, de regroupements qui sont concernés. Le temps consacré aux démarches, aux contacts, c'est du temps. C'est du temps qui est perdu pour le terrain, quoi. Mais c'est important parce qu'il faut que les choses se mettent en place petit à petit et pour qu'on soit sur une base vraiment solide. Hein. Il faut le prendre ce temps. Quand une convention est passée, par exemple avec un organisme, un CCAS, il y a des CCAS aussi qui interviennent. Oui, on n'est pas sous forme de on met pas en place de convention avec le CCAS, c'est plus voilà un travail en équipe sans que ce soit officiellement écrit quelque part. Si par exemple une convention avec une EHPAD, elle est reconduite d'année en année, comment ça se passe? Bah, en fait, c'est des conventions sur un an. Donc oui, par exemple l'année 2020 de janvier à décembre 2020, et puis ensuite tous les ans effectivement on rediscute et c'est l'EHPAD hein, qui choisit en fonction des sous, hein, encore une fois en fonction des sous qu'ils auront. En 2021, ils reconduisent ou pas nos actions. Voilà. Donc c'est tous les ans. Donc c'est toujours très aléatoire, finalement. Il y a des EHPAD où ça fait 5 ans, 6 ans où on y est parce qu'ils ont toujours les moyens et qui consacrent, en fait, qui veulent en faire une activité. Donc là, effectivement, ils trouvent toujours les sous nécessaires. Et puis, effectivement, d'une année à l'autre, on n'est jamais sûr de continuer avec un EHPAD. Il y a toujours un rendez-vous pour savoir s'ils auront toujours les moyens, en fait. Voilà, ben, il est temps de se quitter. Malheureusement, on aura encore beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on se reverra dans quelques mois pour faire un nouveau bilan. Comment on pourrait dire ça, enfin, un nouveau point sur l'activité physique adaptée avec Aurélie, puis Jocelyne, puis Jean, bien sûr. Hein. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et puis on vous donne bien sûr rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, qui devrait être consacrée à une safranière du côté de Plombières, Ruau. Voilà. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir. Merci. Bonsoir.